les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. How to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep calm when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep. Le plus important dans la vie, c'est toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Prends ton baluchon et voyage. Regarde, émerveille-toi. Profite de la vie. Tu es seul. Alors avance. Marche à contre-courant. Parle, change, apprends. Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Tu veux faire le premier pas ? Écoute Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Allez, bonsoir tout le monde, ça y est, c'est reparti, dernière émission de l'été. Oh bah ça fait, ça, oh, fait, trop triste. Ça fait chaud au cœur, c'est le cas de le dire, avec la chaleur, tout ça, petit jeu de mots bien évidemment. Bon, rassurez-vous, hein, y a Koé qui revient à partir de lundi, il sera à 19h, Guillaume dès 22h, et puis nous on reprendra le relais à notre horaire presque normal puisqu'on sera à partir de minuit. Voilà. On est les seuls qui avons changé un petit peu cette année, on s'est dit bon, faut varier, faut varier. Bah on nous a dit il y a une heure à prendre, donc on nous la prend. Hein. Bah oui, attends, on était bien de 1h à 4h, mais on va la prendre. C'est pas comme si on avait changé d'horaire depuis le début des vacances. Oui, c'est ça, on a fait tous les horaires possible, donc on est tranquille. Bon, toi Fabien, passez une bonne journée. Magnifique. Sous la chaleur. Oh là là, je souffre. Polo qui adore ça, la chaleur. Je déteste ça, mais ça va, c'est sec, donc ouais, ça va. Ouais, c'est sec, ouais. Donc, c'est sec, ça va. Et Amina qui est là également en pleine forme. Oui, très bien, ça va. Bien. Soleil, monoeil, claquette. Ah bon. Soleil, monoeil et claquette. Mais qu'est-ce qu'il faut pas le trio de choc. Ah ouais, alors là. Exactement. Quelle horreur, mais quelle horreur. Ah, de toute façon, elle se la ramène depuis qu'on a fait la séance photo hier. Alors là. Elle se la ramène. En même temps, c'est pas pour la défendre, mais c'est une fille, donc oui, monoeil, claquette. Ouais, monoeil, claquette. Ouais, enfin, t'aurais dit ça, Tof, t'aurais passé. Enfin, t'es un bouffon déjà. Ouais, tu serais passé pour une merde. Dis-le pour voir. Mais c'est pas ça. T'as passé une bonne journée, Tof? Ah ouais, grave, monoeil, claquette, c'est quoi l'autre? Soleil, monoeil, claquette. Ah oui, soleil, monoeil, claquette. Ah ouais, tu vois, c'est un bouffon. Tu vois, bah voilà, on l'avait dit. Hein. Bon, hashtag Mickaël sur Twitter, venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et Insta. C'est sur M-I-K-L officiel. On va écouter du son de Charlie Puth, Souf arrive. Il y aura Dimitri Vegas. Et puis, on va démarrer avec le son de Sopra maintenant. Avec le diable s'habille plus en Prada. Et bientôt Tof, d'ailleurs, qui s'habillera en Prada. Pas du tout. Et ça, c'est génial. C'est une bonne nouvelle. Non, je n'ai toujours pas les moyens. Oh, arrête. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille d'un plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en bada. Le diable s'habille plus en bada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses forces. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes. Les vacances, c'est appel mal intentionné, auditeur complètement dingue, des jeux, des canulars et surtout Mickaël, Duff et Polo de 20h à 22h sur Énergie. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est toujours Mickaël pour la dernière. Ah oui, la dernière avec le retour de Koé. Donc à partir de la semaine prochaine, dès lundi 19h, il sera de retour. Manu à partir de 6h et puis Guillaume aussi à partir de 22h. Et nous, on récupère notre place, ce sera à partir de minuit. Bon, alors, on va dans quelques instants écouter Dimitri Vegas. Et là, on va accueillir Max depuis Palm Springs. Salut Max, comment ça va? Salut Mickaël. Comment ça va? T'es sûr que t'as pu, c'est Palm Springs ou c'est... Palm Springs. Ou c'est dans le nord de la France là? C'est Palm Springs en Floride ou Palm Springs? Ou parce qu'il y en a plein des Palm Springs. Je suis à Palm Springs en Californie. Ah, t'es en Californie toi, d'accord, ok. Ça va, ça brûle pas trop. T'es où Max en Californie? C'est tout près de où? Je suis à 2h30 de Los Angeles. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Parce qu'on passe à Los Angeles, on va faire l'émission là-bas en mois d'octobre. Alors si tu veux passer nous dire bonjour Max, tu pourras hein. T'habites là-bas. Ouais, je passerai, ça dépend quand. Eh bah, en octobre, on sera là. Je sais pas encore les dates exactes. On vous tiendra au jus, mais on va tous là-bas. On va se lancer. On va essayer de faire une carrière à Hollywood. Bah, bonne chance, non? Non, mais on rigole. En fait, Max. Si, Tof a le premier rôle dans un film avec des singes. Et on va là-bas pour char à voile. C'est pour ça qu'ils s'entraînent au char à voile. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, oh, Christophe, alors, oui, bah, rigole, voilà. Bon, Max. Bon, oh. Tu nous disais que t'avais déjà fait des trucs flippants, toi. Ouais, raconte. Quelques trucs, genre tant que sécurité dans un hôtel qui était en rénovation. Ouais. Et un jour je fais l'autre toilette, fermer mon business, et j'étais de nuit tout seul et j'ai entendu frapper à la porte. Et donc je suis allé voir partout, j'étais tout seul, il n'y avait personne, je suis allé regarder partout. J'étais tout seul. Donc ça c'était une fois. Après quand j'étais en train de faire ma ronde, j'ai entendu quelqu'un tousser. Et il y avait personne? J'étais tout seul. Enfin c'est dingue. Mais t'es sûr qu'il n'y avait pas, c'était pas des bruits de tuyaux ou des bruits de, tu vois, de tout n'importe quoi? Non, c'était pas des bruits de tuyaux, rien du tout. Non, j'ai entendu quelqu'un tousser. Il y a une autre fois où j'étais encore une fois tout seul de nuit. Ouais. Et j'ai entendu un gamin qui rigolait derrière moi. Ouais. Et j'étais encore une fois tout seul. Et quand je suis repassé de journée, j'ai parlé avec le gars qui s'occupe de la maintenance et il m'a dit qu'il y avait un gamin qui s'est noyé dans la piscine. Oh la vache, le truc glauque. Bon, ça nous rappellera que quand on va en octobre, on n'ira pas à Palm Springs. Non, ça n'a pas l'air sympa. Hey, tu prends pas des médicaments? Tu prenais pas des médicaments à l'époque? Non. Parce que j'ai lu, moi j'avais pris un médicament et par an, hallucinations. Dans la notice, il y avait des hallucinations auditives. et visuel tu peux avoir. Ah ouais, mais je crois que dans les trucs comme ça, les comment on appelle ça, les putain, les bah quand tu y es notice, la notice. Oui, merci, je viens de le dire. Bah mais oui. Non, les trucs mais non, les trucs que tu peux avoir là, les effets secondaires. Les effets secondaires, en général, ils mettent une liste. Ça raconte. Il y a toujours une liste qui fait 15 pages avec tous les effets secondaires, oui. Parce qu'ils en mettent même quand tu sais genre il y a quasiment aucune chance ça arrive, mais ils les mettent pour être sûr et tu sais qu'on puisse pas porter plainte contre eux ou des conneries comme ça. C'est l'effet secondaire, il était courant parce que moi à un moment donné, je me rappelais la nuit, j'avais des espèces de ma vision qui se troublait, ça faisait bizarre. Ah ouais. Non, ouais, ça me trouvait beau, ouais, ces jours-là. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Ah ouais, donc tu prenais pas de médoc quel qu'il soit, Max ? Non, rien du tout. Ah ouais, d'accord, OK. Donc depuis ça arrive encore, c'est plus arrivé, c'est arrivé à d'autres endroits Depuis, j'ai changé de travail, mais il y a l'autre gars qui a travaillé de nuit après moi, il m'a dit exactement la même chose. Ah ouais, putain, ah oui, ça fout les boules quand même. Ah, c'est qu'il y a un truc, hein. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose là-bas, effectivement, ouais. Et c'est où l'endroit, comme ça, quand on vient, on enverra Toff en éclaireur. Oui, j'irai vérifier. Voilà. Il va exorciser le lieu. C'est où l'endroit, exactement? C'est au Ritz Carlton. Ah, c'est au Ritz? Ah oui, oui. Ah ouais. Et c'est où, ouais. À Palm Springs? Ou c'est à Los Angeles, ou c'est où? Non, c'est à côté de Palm Springs. Ah oui, d'accord. Ritz-Carlton, bon, t'en feras pas les moyens, mais tu peux aller aux toilettes, ça tu peux. Oui, payer. Bah je peux. Oui, ouais. Ça, je peux aller demander de l'eau au bar, quoi. Voilà. Il va rester enfermé dans les chiottes toute la nuit pour aller voir la nuit. Ouais. Ah putain. Ça, c'est bien, ça. C'est bon, ça. Bah merci pour l'info, Max. Du coup, t'hésites pas, quand on est là-bas, on le mettra sur le Facebook, tout ça. Si jamais t'es dans le coin ou tu veux venir nous voir, tu seras le bienvenu, y a pas de problème, Max. Moi, je t'inscris nous voir. Eh ben, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup, Max. Et du coup, comment c'est que t'écoutes l'émission là depuis Los Angeles, enfin depuis la Californie? Bah, j'écoute depuis l'appli. Oui, oui, je me doute. Mais quoi, t'es français ou t'es juste tu comprends le français? Moi, je suis français. Non, je suis français. Je suis de Nancy. Ah oui, putain, t'as perdu l'accent. Alors, t'es qu'on dirait que t'es ricain. C'est vrai, hein? Ça fait combien de temps que t'habites là-bas? Non, je sais pas. 12 ans. Ah ouais, putain. Et t'es marié avec une américaine, tout ça? Non, ma copine est mexicaine. Ah d'accord, ok. Ah, et elle a pas de papier. Oh Toff, putain, le raccourci ridicule. Putain, c'est dingue. Bon, bah, en tout cas, bah, Max, merci d'avoir appelé. Et puis, peut-être rendez-vous en octobre alors. Hein. Ok, bah, pas de problème. Salut Max, à bientôt. À bientôt, bye. Ciao. Et puis tu rappelles quand tu veux, surtout t'hésites pas, même depuis Palm Springs, y a pas de problème. Bon vendredi, bonne fin d'été également à tout le monde. C'est Mickaël sur Énergie avec pendant l'été on était là de 20h à minuit la semaine, de 20h à 22h le vendredi. C'est notre dernière ce soir. On va d'ailleurs faire un petit jeu de la piscine pour se remettre au frais dans un instant, juste après le son de Dimitri Vegas qu'on écoute tout de suite. C'est sur Énergie jusqu'à 22h. Alors suis-nous de 20h à 22h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Bonne soirée sur Énergie, c'est Mickaël. Bah oui, jusqu'à 22h avec le Hit Énergie DJ Buzz tout à l'heure. On aura Charlie Puth qui va débarquer, le son de souffle également. Et puis on va se faire, bon, on se rafraîchir un petit peu, hein. Le jeu de la piscine. En tout cas, on va essayer, vu qu'on a eu une couette, une petite merde tout à l'heure là. Jeu de la piscine avec Laurette. T'es toujours là, Laurette? Oui, toujours là. Parfait, bon, jusque-là tout va bien. Ouf, ça va bien se passer. J'y crois en tout cas, c'est le principal. On va jouer au jeu de la piscine. Le jeu de la piscine, c'est très simple. Il y a donc trois mots à découvrir. Trois mots que je vais faire, que je vais montrer à Toff. On a des bouts de papier avec des dessins dessus, hein. Je vais les montrer à Toff. Il aura la tête sous l'eau et il va tenter de te faire deviner les mots. D'accord? Si tu trouves les mots, tu prends un point, deux points et trois points, tu gagnes. Mais si les auditeurs d'énergie qui sont derrière leur radio trouvent le mot avant toi, c'est l'équipe des auditeurs qui aura le point. D'accord? Donc préparez bien votre message déjà, les auditeurs, si vous voulez jouer. Préparez déjà Mickaël, espace, votre numéro de téléphone et la réponse quand vous l'aurez. Vous enverrez ça au 612 et le premier qui a la bonne réponse, eh bien, marquera le point. Et puis si jamais c'est... Oh putain, ça tombe, j'ai envie de vomir avec la vidéo de Damina. Et donc... ça va. Et donc... C'est conceptuel, non, bah, ouais, comprendre. Ça bien c'est pas comprendre. C'est la piscine. Et je rappelle que si les auditeurs gagnent avec les 3 points, on tirera au sort à ce moment-là un des auditeurs pour lui offrir la tablette Arcos Platinum. D'accord, Laurette? Est-ce que t'as le kit Mali pour le haut-parleur là? Non. D'accord, ou alors parle un petit peu plus fort ou mets bien ton téléphone devant ta bouche. On y va. C'est une spéciale ce soir. Spéciale bouffe. Je montre à Toff la première photo. Laurette, écoute bien. J'envoie Toff dans la piscine d'énergie. Le petit plongeon habituel, bien entendu. C'est parti. Allez, Mickaël, et votre message et votre numéro au 612, les amis. Non mais articule, on comprend rien. Facile, là. C'est donné. Ouais, là, je vous l'aurai, c'est donné. Pizza, ça a été trouvé par Arnaud du 78. Ah bah oui, bah, tu peux proposer, hein, cela dit. Hein. N'hésite pas, hein, Laurette. Hein. Laurette? Oui, oui, je suis bon. Là. Non mais c'était pour être sûr. Bon, c'est pas grave. Deuxième... mot à trouver, toujours de la bouffe. Hein. Si vous avez l'idée, vous envoyez Mickaël et votre message et votre réponse au 611. Mickaël, votre numéro de téléphone et votre réponse au 612. C'est par SMS si vous voulez tenter de jouer. Pour l'instant, un point pour les auditeurs, zéro pour toi, Laurette. Et je rappelle que c'est toujours filmé en live sur Periscope et sur Facebook. C'est sur M-I-K-L officiel. En freestyle, hein, c'est filmé. Ah, en freestyle. Avec, c'est Amina qui filme, je peux vous dire que. C'est sans stabilisateur. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein, faut pas avoir envie de gerber. Bon, on y va. Voici donc le deuxième mot à découvrir. Allez, propose. Kills Prols. Non, il y avait Bunny qui proposait un blowjob. Non, c'est de la bouffe. Couscous, ça a été trouvé. C'est trouvé. Un couscous, c'est Amina qui avait trouvé. Bah vous pouvez faire des signes, évidemment qu'il avait trouvé. Deux points pour les auditeurs. Laurette, ça se passe très, mais alors très mal. Ah ouais, ouais. Bon, c'est ta dernière chance, Laurette. Si les auditeurs trouvent, t'as perdu. Okay. Bon, on y va. Je renvoie Toff dans la piscine. Tu nous as pas dit Toff, elle est bonne ou pas aujourd'hui? Elle est magnifique. Ah bah forcément, elle a jamais été aussi chaude. Ah bah avec la température qui fait dehors, hein, tu m'étonnes. Voici donc le dernier mot peut-être. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël, espace, votre numéro et votre réponse au 6-11-12 par SMS. C'est toujours filmé en live sur Periscope et sur Facebook. C'est sur M-I-K-L officiel. Ça va Toff? Il pète. Dans l'eau, merde. Et je sais pas ce qu'Aminette est en train de filmer, mais elle est sous la table. Donc je sais pas ce qu'en fait, elle filmait le paix. Non, mais c'est un grand moment, ouais. Ah, bah, grand moment, j'espère que vous l'avez vu en live. Si vous l'avez pas vu en live, rassurez-vous, la vidéo est dispo sur Facebook dès qu'on aura fini de filmer. Bon, on y va, c'est parti. On pose. Articule. Un pet fouf, on proposait, non, c'est pas ça. Du jambon. Mais non. Propose. Laurette. Oui, j'écoute. Mais écoute pas, propose. Il y a Claire qui proposait du jambon. C'est tombé. Hein. Hop là, c'est Arnaud bon. Du 68 qui proposait la choucroute. Ah oui. Laurette, t'as pas été mauvaise, t'as été très mauvaise. Très mauvaise. Pour la bouffe. Ah ouais, bah ouais, mais zéro. Bah en même temps, on t'en donne un indice, la bouffe, voilà. Pizza, choucroute, couscous. Bouffe, il y en a beaucoup. Ah oui, ouais. Bien sûr, mais enfin après, il faut écouter les syllabes et tout ça. Hein. Eh bah oui, on se dit. C'est ça, c'est ça. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. Bon, Laurette, sans rancune. Non, c'est pas grave. Non, voilà. Non, pas de soucis. Bon, bah très bien. Allez, gros bisous, Laurette, et tu nous rappelles quand tu veux, il n'y a pas de problème. Vous aussi, si vous voulez faire le jeu de la piscine, vous pouvez évidemment vous inscrire maintenant, par exemple, directement sur le mail de Seba, seba@energie.com. Et puis, bon, on jouera ensemble dès lundi. Voilà, tranquillement, à la cool, on sera de retour en pleine nuit juste après Koé et Guillaume. On va s'écouter Charlie Puth dans quelques minutes. Vous bougez pas, on se met la pub rapido si on revient juste après sur Énergie. Venez assister à la première de la comédie musicale la plus spectaculaire de l'année. Les Trois Mousquetaires. Au Palais des Sports à Paris. Avec Énergie. Dès que vous entendez le double hit Trois Mousquetaires, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister aux toutes dernières répétitions et à la première des Trois Mousquetaires. Le 29 septembre. J'en rêvais. Énergie numéro 1 sur les hits. Pop, R&B, Dance. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. C'est Mad sur Énergie 12, du lundi au vendredi à 17h25. Retrouvez toute la bande du Mad Mag en direct. Le Mad Mag, présenté par Martial, du lundi au vendredi à 17h25 sur Énergie 12. Leclerc. Mathilde, il arrive, il est là, le nouveau CD de Céline Dion. Et tout en français, mais je sais, dès le 26 août chez Leclerc. Avec une chanson signée Jean-Jacques Goldman. J'adore. Encore un soir. Encore un soir. Moi aussi, j'adore. Encore une heure. C'est parce que tout le monde attendait son grand retour que le nouvel album Encore un soir de Céline Dion est disponible dès le 26 août dans les magasins Leclerc et Espaces Culturels ainsi que sur le site www.culture.leclerc à 15,99€. Rends-moi mon CD. En 2029, les humains augmentés sont exclus de la société, traités en paria, parqués dans des ghettos. Vous incarnez le célèbre Adam Jensen, un agent infiltré doté des meilleures augmentations dans Deus Ex Mankind Divided, le nouveau volet d'une série de jeux de rôle et d'action devenu culte. Deus Ex Mankind Divided, le jeu événement, sur PS4, Xbox One et PC. Tentez de gagner votre jeu Deus Ex Mankind Divided sur energygames.fr. Jeu déconseillé aux moins de 18 ans. Leclerc. Philippe, tu savais, toi, qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinscher.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. TF1. Koh-Lanta est de retour. 20 concurrents vont tenter l'aventure de leur vie. Au Cambodge, ils vont devoir composer avec une mystérieuse île au trésor et son anneau d'or. Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Koh-Lanta, l'île au trésor, présenté par Denis Brognard, ce soir à 20h55. TF1. Partageons des ondes positives. The flames. I torture you. I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I told you. Destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. The lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit. But tomorrow, and I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Getting there, getting there, getting there, getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Mickaël passe en mode été. Alors soyez là avec nous pour s'amuser et délirer sur Énergie de 20h à 22h. On est sur Énergie jusqu'à 22h avec le son de Souf et Charlie Pousse qui va arriver dans quelques minutes. Et puis on va accueillir Mickaël maintenant qui est avec nous, 32 ans à Grignon. Salut Mickaël. Salut. Ah, Mickaël là? Non, non, c'est Mickaël tout court. T'es une fille? Ah ouais. T'es une fille ou t'es un mec qui a pas mué? Non, je te confirme, je suis bien une fille. Ah ouais, ah bah c'est original. Écoute, très beau prénom malgré tout, Mickaël. Magnifique. Voilà. Ah, en même temps, j'ai le même que toi, donc il fallait que c'est ce que je te disais, c'est bien pour ça que je te le dis d'ailleurs. Quoi que c'est pas écrit pareil, c'est écrit comment du coup? C'est pas écrit comme un mec? Non, M-I-K-A-E-2-L-E. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. J'ai toujours cru à Michaela éventuellement, ouais, mais Michaela avec deux LE à la fin, je sais pas. Bon, écoute. Il y a une explication. En général, on m'appelle Michaela. Comment? Ouais, bah j'imagine. Pourquoi d'ailleurs Michaela pour une fille? En fait, ma maman voulait un garçon. Oh là, ouais, super. Oh, toujours. Et donc, on va t'appeler. T'as de la chance, ils auraient pu t'appeler Jean-François. Tout à fait. Bah, jeune Françoise. Hein. Ouais, mais bon, t'imagines. Ou Christophe. Mais enfin, c'est quand même sympa de savoir que ta mère, en fait, aurait préféré un mec, quoi. Ouais, mais je n'en ai pas voulu. Hein. Ouais, bah heureusement. Mais bon, enfin, c'est bizarre de le dire quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vois, si j'ai une fille, si j'ai un garçon, je vais pas lui dire, même si je préférais l'inverse. Bon, écoute, en fait, j'aurais préféré que tu sois une fille ou un garçon, tu vois. Mais ça se dit pas. Ah, bah, elle avait déjà une fille, donc voilà. Ouais, mais enfin, d'accord, mais enfin bon, peu importe. Bah, maintenant, elle en a deux. Bizarre, bon, bref. Et qu'est-ce qui t'amène, Mickaël? Ah bah alors moi j'ai plein d'anecdotes du coup avec mon prénom quoi. Ah bah j'imagine, ouais, forcément. Parce alors raconte. Forcément, alors déjà à l'école déjà, si tu veux, c'était systématiquement j'allais en visite médicale chez les garçons. Ah. De la maternelle jusqu'au CM2, j'ai fait toutes mes visites médicales scolaires avec les garçons. Et les mecs, le médecin scolaire, il s'est pas dit que t'avais pas de testicules et bah, pas de si tu veux. Toutes les années, ils se disaient, oh, l'année prochaine, faut quand même qu'on fasse attention. Bah oui. Sauf que l'année prochaine, c'était toujours pareil l'année d'après. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? C'est dingue. Bah ouais, ils sont vraiment, effectivement, ils ont pas inventé la poudre. Mais il y a un moment, je veux dire, ok, tu t'appelles Mickaël, ok. Mais ils voient effectivement que t'es une fille, donc ils vont se dire, bah, il y a une erreur, faut aller dans la pièce d'à côté. Ouais, mais ouais, bah non. Ça tombe sous le sens quand même. Et donc, du coup, tu passais la visite médicale avec les garçons et ça choquait personne. Tout le temps. C'est fou, bah ça. Écoute, faut croire que non. Bon, bah, très bien. Et quoi d'autre? Parce que t'en as d'autres, tu nous disais. Ah, bah là, après, j'ai connu mon mari, si tu veux, j'ai connu très jeune, j'ai connu à 16 ans. Ouais. Et du coup, quand il m'a présenté à sa mère, sa mère, quand tu lui as dit je vais te présenter Mickaël, à ton avis. Et, oh non, tu es gay. Je n'aurai jamais de petits enfants. Ouais, oui, bah, tu m'étonnes. C'était tout à fait ça, ouais. Tu m'étonnes. Oh la vache. Après, elle m'a vu, du coup, elle en a un peu rigolé, mais bon. Elle a un peu ri jaune au début quand même. Ouais, j'imagine. Non, bah oui, surtout s'il lui avait jamais rien dit et que tout d'un coup, tiens, je te présente Mickaël, c'est... Bah, on va se marier. Oui, bah, je suis sûr qu'il devait être archi fier de sa vanne. Ouais, ah, franchement, bah là, ouais, bah oui, attends, c'est une vanne. Le pire, le problème, c'est que c'est la vanne que tu fais qu'une fois, t'as pas intérêt à la rater, quoi. Bah oui, parce que. Après, une fois que c'est fait, tu peux le refaire avec les amis éventuellement, pourquoi pas, ça peut se faire, c'est clair. Non, mais on est d'accord que tous les médecins scolaires, c'est toujours des gros cons, quoi. C'est bah, des ratés, souvent. Ah ouais, mais attention, c'est des médecins ratés, je crois. Parce que toi, tu t'appelles, bon, Mickaël, c'est vrai que c'est un prénom de mec à la base, même s'il y a deux LE à la fin, mais il y a quand même le deuxième prénom de Toff, qui quand même vaut le détour. Eh oui, ce qui est magnifique. C'est le plus beau prénom du monde. Ouais, je n'irai pas jusque-là. Alors, donc, son premier prénom, hein. Jabirou ? Non, sac à merde. Christophe. Voilà, Christophe. Tu t'appelles Christophe, Toff. Paraît-il. Voilà, c'est ça. Et c'est dingue. Hein. Et le deuxième prénom ? Sac à merde. Henri Pierre. Ouais, bah, ça va. Non, bah, attends, ça va. T'as un deuxième prénom, toi, Mina, ou pas ? Non, j'en ai qu'un, ça suffit. T'es sûr, arrête, dis-le, je suis sûr que t'en as un deuxième. Dis que c'est Justine. Non, je te jure, promis, j'en ai vraiment qu'un. Mais arrête de dire que t'appelles Mina, que t'appelles Justine. Non, j'en ai vraiment qu'un. On va fouiller. Ah mais je t'assure, je te montre les papiers. C'est pas au standard, dit l'espagnol, il y a un deuxième prénom. Bah, toi, tu dois en avoir. Les espagnols, ils en ont 25. Moi, mon père m'a pas raté. C'est quoi ? Ton pec, ton biceps. Le mec, il est tellement coincé avec la frotte et tout qu'il est resté coincé même dans les mots. Regarde, t'as vu, je peux le faire bouger sans les mains. Voilà, comment, c'est quoi le deuxième ? C'est Modesto et le troisième, c'est Hippolito. Hey, Hippolito. Ah ouais, là t'as battu tous les records, mec. Hein. Oh, les prénoms de merde. Hippolito. Oh putain, t'as vu, finalement, putain. Hey, finalement t'es tranquille, Mickaël. Sébastien, Modesto, Hippolito. On va t'appeler Hippolyte dorénavant, tiens. Ah, c'est mieux, non, c'est plus original, ça te va mieux. Ouais, Mickaël, tu voulais dire ? Enfin, bon, le comble quand même, ouais. C'est que ma fille, parce qu'avant je travaillais pour une grande marque de fast-food. Ouais. Américaine, pour pas dire la marque. McDo. Bon, c'est McDo, c'est ça ? Ouais. Et une fois, ma fille qui a 3 ans, elle vient et puis je lui présente un collègue qui s'appelait Mickaël aussi. Ouais. Elle a jamais rigolé autant de sa vie. Parce que pour elle, ah, c'est un prénom il avait de fille. Un prénom de fille. Ah oui, bah, oui, ouais. Forcément. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, celui-là, c'était le plus drôle. Et c'est quoi ton deuxième prénom si t'en as un ? Ah non, j'en ai pas, non. Bah, avec un peu de chance, ça aurait été Maurice, ça valait mieux pas. Ah bah écoute, alors contre tout avant, c'est le mien, c'est mon deuxième prénom. Ah ouais. Mauricio. Ah, bah, attends, c'est sérieux ? Il t'aurait appelé Maurice en deuxième prénom ? Non, je sais pas, mais valide pas deuxième prénom, hein, parce que là. Voilà. Mais ça aurait été drôle, on aurait eu le même prénom, le même deuxième prénom. Ouais, ça aurait été marrant. Bon, bah, Mickaël. Jean-Robert, ouais. Bon, bah, merci en tout cas, Mickaël. Je peux juste passer un bonjour à mes filles qui m'écoutent, aussi à mes romans. C'est fait, message passé. Voilà. Pas de problème. Très bien, bah, merci. Salut Mika, à bientôt. Ciao. Ciao, bye bye. Bon, allez, si vous voulez participer à l'émission, restez bien évidemment là, puisqu'on sera de retour dès lundi à partir de minuit. Je vous rappelle également que si jamais vous voulez participer, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le mail de l'Espagnol. Dit Seba, dit à l'aise, dit le parasite, bref, vous pouvez l'appeler comme vous voulez et vous lui envoyez un mail donc sur Seba, seba@energie.com. Voilà. Bon, on va s'écouter donc Souffle dans quelques minutes et puis le son de Charlie Pousse, c'est maintenant sur Énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Wrong. kind of dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. On s'installe tranquille sur Énergie. Bonne soirée tout le monde et bon vendredi, bonne fin d'été également. C'est Mickaël sur Énergie jusqu'à 22h. Et là, avant d'écouter le son de souffle, c'est l'heure évidemment de faire les appels mal intentionnés avec cet été qui semble visiblement la période où on fantasme le plus sur quelqu'un d'autre que son compagnon ou sa compagne. On va donc appeler des gens afin de vérifier s'ils ont déjà fantasmé sur d'autres personnes que leur copain ou leur copine. Bah oui, allons-y. Évidemment, c'est grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof. Continuez évidemment sur toph@energie.com. Mail que je dois donner à peu près 100 fois par soir depuis plus d'un an. Et il y a encore des gens qui me disent oui, j'ai envoyé un mail sur tof@energie.fr, ça marche pas. Ouais, c'est bah bizarre. Oui, c'est normal, c'est pas la bonne adresse. Voilà, donc toph@energie.com. On y va, c'est parti. Je suis prêt. Allez. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fantasmé sur quelqu'un d'autre que votre mari, madame. Mais va te faire enculer, connard. Oh non, madame, pas de centre nous, ça se dit pas, des choses comme ça. Allô ? Alors, raccrochez. Je crois qu'elle va dire, mais va te faire enculer, gros bâtard. Ah non, malheureusement, c'était pas une Virginie. Ce n'est pas la sœur. On rappelle. Oh non monsieur, ça se dit pas des choses comme ça enfin. Attendez, moi je vous appelle gentiment pour vous poser une question. Mais vous êtes complètement malade. Mais pas du tout madame, pourquoi vous dites ça? Enfin, vous pouvez bien répondre à une question, allô? Ah c'est déjà fini, bah bon. Ah oui, c'est rapide. Bon, tu sais quoi, c'est pas grave, on va l'appeler à l'autre hein. Ah bon? Parce que, bah oui, écoute là bon, non, tu veux qu'on réessaye? Oh, un petit dernier. Bon allez, on réessaye, allez, on réessaye. Sinon j'ai prévu un autre numéro, mais bon. Mais qu'est-ce que tu as reculé? J'ai l'impression d'entendre Amina quand même. Quelqu'un qui est archéifique. Merci. C'est agréable. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, je m'excuse, on a été coupé. Parce que vous m'avez pas dit si vous avez déjà fantasmé sur quelqu'un d'autre que votre femme. Et mon poil dans ta gueule, ça va faire quoi, toi? Bah, ça va faire mal, monsieur, mais ça répond pas à la question. Ouais, bah, moi, j'ai pas besoin de fantasmer sur quelqu'un d'autre que sur ma femme, mais si t'as un problème, tu viens me voir, on va le régler. Mais non, moi, j'ai pas de problème, monsieur, je voulais juste savoir, bah, c'est pas la peine de vous énerver. Plutôt que vous avez téléphoné comme ça à ma femme. Bah, pour savoir s'il avait déjà fantasmé sur quelqu'un d'autre que vous, monsieur. Mais t'es vraiment un connard, t'as vraiment envie que je te lève la gueule. Mais j'ai pas intérêt à te retrouver. Mais j'ai vraiment pas intérêt à te retrouver. Ok. Bah je peux vous donner l'adresse si vous voulez, monsieur. T'as pas ton numéro privé, t'as pas de couille, connard. Bah je vous le donne mon numéro si vous voulez. Allô. Ah non, ça ne vous coupez donc. Bon, bah, autant j'étais parti sur quelqu'un d'autre, autant on va les rappeler. Hein. Ça c'est vrai, t'as pas de couille, connard. Allez. Non, mais ça c'est vrai. Bah il a pas de couille, il a pas de couille. Il a pas de couille, qu'est-ce qu'on fasse? Bon, un chat, un chat. Hein. Je peux rien moi si on peut pas mettre le numéro. C'est ça, tu le mettrais pas. Sans couille. Sac à merde. À l'aise, va. Ça, c'est méchant. Oui, allô? Ouais. Vous voulez pas que je vous le donne, mon numéro, monsieur? Bah, vous avez qu'à déjà enlever votre numéro privé, non? Mais je peux pas l'enlever, monsieur, c'est bloqué dans mon téléphone. Non, oui, bien sûr, vous me prenez pour un abruti ou quoi, là? Mais pas du tout, je me permettrai pas, monsieur. Enfin, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est pas gentil. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, vous savez quoi? Vous venez me voir. Vous avez mon numéro, vous venez me voir. On va régler ça directement. Bah, non, venez-vous, monsieur, parce que moi, je peux pas me déplacer. Maman, elle veut pas que je voyage. Mais oui, bien sûr. Bah oui, maman, elle aime pas quand je sors de la maison. Ah oui, oui. Bah oui, bien sûr. Bah Bah oui. Ah moi, en attendant, je m'en fous, c'est toi, c'est ton forfait qui m'a usé toute la nuit. Bah, mais pas du tout, monsieur, dites pas ça. Allô? Allez, répondez à la question, monsieur. Allô? Allô, monsieur? Allô, monsieur, vous êtes pas parti? Oh non, c'est pas gentil ce que vous faites, monsieur. Allô? Allô? Allô, revenez? Oui, il est parti, il est parti, il est parti. Bon, tant pis, hein? Bah oui, je suis. Bah oui, on va pas les rappeler 150 fois. Garde le numéro parce qu'ils avaient l'air d'être des bons clients, oui, mais. Oui, ça a l'air des gens sympathiques. On gardera ça pour un autre soir, on va dire ça comme ça, ouais. Ce sera, plus, ce sera mieux, bah oui, bah oui. Bon, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, hein, faites-le dès maintenant sur le mail de Toff, toph@energie.com. Vous proposez les numéros de téléphone et puis nous, dès lundi, on remet le couvert, bien sûr. On fera d'autres appels mal intentionnés dans moins d'une heure. Et puis on va s'écouter, bah, comme promis, maintenant, le son de Souf sur Énergie. On se fait le jeu du gros juste après. Elle me dit qu'elle est fatiguée, eh, eh, elle me dit qu'elle veut tout lâcher, eh, eh, même pas eu le temps de lui expliquer, eh, eh, c'est plus la peine de continuer, eh, eh, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé. J'ai tout caché, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court, mais à coup pas. Elle m'a fatigué, eh, eh, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher, eh, eh, je sais pas comment lui expliquer, eh, eh, un jour je finirai par me barrer, eh, eh, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé, eh, eh, encore une fois j'ai tout gâché, eh, c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais à coup pas. Alors suis-nous de 20h à 22h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie. C'est Mickaël sur Énergie jusqu'à 22h ce soir, comme tous les vendredis d'ailleurs pendant cet été. Dernier soir, on sera de retour dès lundi, nous, mais à notre horaire normal, c'est-à-dire en pleine nuit, juste après Guillaume et Coé. Et puis en attendant, on va prendre Dany maintenant qui est avec nous. Salut Dany. Salut Mika. Comment tu vas? Bah ça va tranquillement, écoute, hein. Au bon, boulot quoi. Ah oui, bah il faut bien, hein. C'est bien. Au moins t'as un travail, tu me diras, hein. C'est bien. Allez. Non mais c'est vrai, hein. Oui, voilà. Bah il faut voir le côté positif. Après il y en a plein qui se plaignent parce qu'ils n'en ont pas des, de boulot. Toi t'en as un, donc on va pas se plaindre. Alors on va se faire le jeu du gros ce soir. D'accord? Ouais. Tu connais le principe ou je te le rappelle? Ouais, rappelle-le. Bon, s'il te plaît. Je vais le rappeler déjà pour tous les auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude de nous écouter. Je rappelle que d'habitude, pendant l'année, on est là la nuit et à partir d'une heure du mat, toutes les nuits jusqu'à 4 heures. Donc le principe est simple. Tu vas donc choisir quelqu'un de l'équipe, Tov qui pour l'instant est à 0 victoire d'affilée, Polo ou moi, ouais. Et tu vas, Dani, devoir rappeler des gens et ponctuer les phrases par gros. Celui des deux en moins d'une minute, celui des deux qui arrivera à faire le plus de gros, à mettre le plus de gros dans la phrase, dans la conversation, aura gagné. Attention, faut que ça reste des phrases cohérentes, donc pas la peine de mettre des gros. Mais tu sais, genre tu peux ponctuer, par exemple, salut gros, ça va gros, quoi de neuf gros, enfin tu vois ce que je veux dire. Wesh gros. D'accord. Wesh gros, t'as vu gros, enfin bref, tout ça quoi. Du coup, celui qui arrive à en placer le plus gagne, donc tu veux jouer contre qui, dis-moi? Bah contre toi, vas-y. Bah c'est parti, bah on y va, Dani. C'est bien, t'as pris quelqu'un. C'est bien, Dani, parce que d'habitude les gens prennent Tov par facilité. Parce qu'avec moi ils ont moins de chances de gagner. C'est vrai que pour l'instant j'ai tendance à gagner assez régulièrement, ce qui n'est pas le cas de Tov évidemment. Donc du coup t'as pris quelqu'un de fort, Dani, avec moins de chances de gagner et c'est tout à ton honneur. Ouais, bon, c'est beau. Dani, tu commences ou je commence? Ouais, comment? Bon, allez, c'est parti, on y va. C'est bien parce que comme ça, dès le départ, Dani, tu sauras que t'as aucune chance, quoi. Ça qui est beau, il y aura même pas de suspense. Exactement. Bon, c'est dommage. Bon, enfin bon. Bon, bah on y va. Alors, c'est parti. On y va. On appelle. Bouge pas, Dani. C'est donc moi qui commence. Ah, ça faisait longtemps que j'ai plus joué. C'est cool. Mais tu joues Tov qui joue. Ouais. Ok, je suis sûr. Bah ouais. Oublie pas de compter, Polo. Et je compte. Oui, allô? Allô, gros? Oui? Oui, salut, c'est Mickaël. Dis-moi, gros, je t'appelle pour savoir si éventuellement je pouvais parler à ton mari, là, deux secondes, gros. Non, parce que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, gros, sur Facebook, on s'était appelé. Enfin, ouais, on s'était appelé sur Facebook et il m'a dit, ouais, appelle-moi tout à l'heure, gros, tu demandes à ma femme de me parler et puis il me passera, gros, t'inquiète. Écoute-moi, je vais t'arrêter tout de suite, là. C'est sûr que t'as jamais parlé à mon chum, à mon mari. Ah, si, j'ai parlé à ton chum, gros, ça c'est sûr. Hein, il m'a dit, ouais, t'as vu, je suis un peu gros et tout. Écoute-moi. Moi, je te connais pas. Je sais pas t'es qui, mais mon mari, il va pas sur Facebook. Non, c'est sûr que tu vas parler là. Non, mais je m'appelle Mickaël, gros, tu me reconnais pas? On s'était eu, gros. Bah, on s'était vu la semaine dernière, gros. On était au marché ensemble, gros. Oh, j'ai même dit à ton mari, hé, gros, t'exagères un peu. Ok, c'est vrai, t'es gros, mais il y a un moment, faut pas déconner, gros. Hey, le français, là, veux-tu... Non, gros, ça se fait pas. Hé, gros, t'es en train de me la faire à l'envers, là, gros. On s'est eu sur Facebook, gros. Allez, gros. À qui tu veux... Hop là, la minute est passée. Pouah, j'étais pas je pense ne pas avoir été trop mauvais. 21. C'est pas mal, c'est pas honorable. Ouais, c'est honorable. Dani. Ouais. Tu vois, si t'avais choisi Tof, il en aurait peut-être fait 3, 4. Peut-être. Ouais, bah tant pis, hein, que toi. Dans le meilleur des cas. Mais encore une fois, Dani, je te souhaite évidemment toute la chance du monde. On y va, c'est parti. On rappelle au Canada de nouveau. Hein. C'est parti. 21 score à battre. On y va. Sois bon, Dani, hein. Ouais. Tu fais 20. 20, ce serait parfait. Comme ça, il y a un peu de suspense. Mais que je gagne quand même. Allô? Allô, oui? Gros, comment ça va? Allô? Allô? Allô, gros, comment ça va? Oui, très bien. C'est da où? Comment? C'est da où? Je te comprends pas, gros. Attends, d'habitude, tu parles mieux que ça, gros. Attends. Pardon? Tu parles mieux que ça, d'habitude, gros. Attends, le coup, je t'ai vu tout à l'heure, gros. Ok. Tu te souviens pas de moi, gros? Allô? Allô? Allô, gros? Oui? Qu'est-ce que tu fais de beau, gros? Tu fais de beau, gros? Hey, je t'entends pas, gros, sérieusement, là, t'abuses, gros. Hein. Tu fais quoi, gros? Hey, gros, est-ce qu'on sort ensemble demain, gros? Vas-y, gros, allez, sérieusement, là, on peut sortir ensemble demain, gros. On se fait un top, petit chien, top, gros. Top, la minute est passée. Alors, bon, t'as pas eu de chance dans le sens où t'es tombé sur quelqu'un qui visiblement ne comprenait pas très bien ce que tu lui voulais. J'ai l'impression que c'était une Asiatique qui s'était perdue au Canada. Ouais, elle n'avait pas l'air de bien parler français. C'est clair. Bon, cela dit, pas mal, Dani. Mais ça nous en fait combien? Bah, pas mal, il aurait pu en mettre beaucoup plus vu qu'il a eu des blancs et tout ça. 18. 18, ah, pas mal. Mais j'ai gagné. Oh, la PS4 pour moi, putain, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Non, bon, malheureusement, non, évidemment, je l'aurais pas. Bon. pas grave. Bon, Dani, j'aurais déjà un putain stock de PS4. Ouais. Tu mets, bah, arrête, tu perds tout le temps. Mais je comprends pas, le mec a un problème. Mais il faut aller voir un psy. Hein. Ça doit le mec être ça. Il a un dédoublement de personnalité. Ouais, c'est ça, il est persuadé d'être quelqu'un d'autre. Ça doit être ça. Mais ça. Le mec est fou. Il a zéro victoire à son actif. Zéro victoire d'affilée et il se la ramène. Zéro plus zéro égale la tête à Toff. Égale la tête à Toff. Bon, Dani, malheureusement, c'est perdu. Mais en tout cas, bravo. T'as choisi le plus fort de l'équipe. Et c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bravo. Bon, voilà. Ouais, bah, c'était la première fois pour ça. Hein. Eh ben, écoute, avec plaisir. Tu rejoues quand tu veux. En tout cas, t'es le bienvenu, Dani. D'accord? Ok, pas de soucis. Bon bah salut gros et à bientôt, ciao à toi. Si vous voulez jouer aussi au jeu du gros ou un autre jeu d'ailleurs, hein, dès lundi on fait ça. Vous pouvez évidemment envoyer un mail avec votre numéro de téléphone directement à Seba au standard seba@energie.com. Dans quelques minutes, le son d'Alvaro Soler. Je vous mets également Soprano et Kungs qui arrivent juste après la pub, tout comme le chéri, je peux te faire cocu. Ce sera avec Kendra sur Énergie. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Philippe, tu savais toi qu'avec Leclerc on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument, des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs depuis le 1er janvier, ces primes peuvent selon tes revenus être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinschère.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Sorry, je me marie. Lundi à 19h45 sur Energy 12. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre en compétition leur enterrement de vie de jeune fille. Elles ne se connaissent pas, mais ce jour-là, elles ont accepté de se faire noter par les autres. Surprise et confidence, elles sont loin de se douter que leur futur mari les observe aussi. Avant le jour J, tout est permis. Enfin, presque. Sorry, je me marie. Lundi à 19h45 sur Energy 12. Leclerc. Juliette, sur la liste des fournitures de ton frère, il y a un roller friction ball entrée façade. Tu connais ça? Tiens, devant toi. Roller friction ball avec 3 recharges et le surligneur friction light qui va bien. Et avec 1€10 en ticket Leclerc. Oh, j'ai l'impression d'entendre ton père. Ouais, je fais pas mal. C'est parce qu'à la rentrée, Leclerc se bat pour votre budget que du 10 août au 3 septembre, le lot composé d'un roller friction ball avec 3 recharges et d'un surligneur friction light est à 4,35€ avec en plus 1€10 en ticket Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Maman, bleu, noir, vert ou rouge? Appelle ton frère. En 2029, les humains augmentés sont exclus de la société, traités en paria, parqués dans des ghettos. Vous incarnez le célèbre Adam Jensen, un agent infiltré doté des meilleures augmentations dans Deus Ex Mankind Divided, le nouveau volet d'une série de jeux de rôle et d'action devenu culte. Deus Ex Mankind Divided, le jeu événement, sur PS4, Xbox One et PC. Tentez de gagner votre jeu Deus Ex Mankind Divided sur energygames.fr. Jeu déconseillé aux moins de 18 ans. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Que vous soyez dans la jungle amazonienne, dans un temple zen, dans une caravane ou dans un camping, la meilleure chose à faire pendant vos vacances, c'est d'écouter Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Avec Mickaël sur Énergie. On est sur Énergie jusqu'à 22h, c'est Mickaël et j'espère que vous passez une bonne fin de semaine. Pas trop de galère au niveau de la chaleur. Je vous rappelle qu'il y a une PS4 à gagner aussi sur le Facebook de l'émission. On a offert la Xbox One S hier. La PS4 a gagné à partir de lundi soir. Et puis on va se faire le chéri. Je peux te faire cocu maintenant avec Kendra. Salut Kendra, t'es toujours là? Oui, toujours. Très bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, et donc le principe c'est de rendre ouf ton mec, hein, globalement c'est ça, puisque tu vas l'appeler, tu vas lui dire que en gros, t'as rencontré un gars, moi, Michel, beau, grand fort, tout ça, et que ce mec t'a proposé de coucher avec lui juste un soir, et comme toi t'es pas une salope, et tu lui demandes autorisation. Ok. Donc il s'appelle Florestan. Ah. C'est ça, hein? Ouais. Bon, il a 21 ans, il est pâtissier, il est plutôt jaloux, ça fait 10 mois que vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, il a un peu de bide, ce qui le perturbe un petit peu, ce que je peux concevoir. Il a les cheveux blancs, ce qui le perturbe un peu aussi. Et donc toi, comme tu travailles dans un supermarché chez Leclerc, on va dire que j'étais un client, que j'étais un peu dragué, et que du coup, t'es chez moi là, et que en gros, voilà, dès qu'il dit oui, on couche ensemble quoi. Ok. Ok. Juste un détail, tu ressembles à quoi physiquement, forcément? Grande, blonde, vert. Alors, grande, blonde. Mais combien de centimètres? Oh, ça faisait longtemps. Tiens. Alors, attends. Kendra, combien mesures-tu? Oui. 1m65. Combien pèses-tu? 57. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 95C environ. Environ, donc, bien sûr. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oh là là là. Oh là là là là. Oui, on peut le dire. Hein. On peut, ouais. Non, on peut le dire, on peut le dire. Je pense que si on donne l'adresse, ça peut ramener du monde chez Leclerc. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Donc, grande blonde. Et les yeux de quelle couleur? Vert. Oh là là là, bah, très bien. Bon, et ben parfait. On va pour... Ah oui, encore un dernier détail. Est-ce que tu as un. Genre. Quelque chose de sur ton corps, par exemple, qu'on ne peut voir que si t'es en petite tenue, voire nu? C'est genre un tatouage, un piercing, une tache de naissance, un grain de beauté? Ouais, j'ai un grain de beauté sur le côté de la poitrine. Quel côté? Côté gauche. Côté gauche, grain de beauté, donc sur le côté gauche. Très bien! Et ben voilà, impeccable. On va donc l'appeler maintenant. Donc on est à... On était dans quelle ville, tu m'as dit encore? Gap. À Gap, donc c'est parfait. On est à Gap. Et puis, moi j'ai débarqué au Leclerc et j'étais un petit peu dragué. Et là, t'es chez moi et on est prêt à coucher ensemble, mais t'attends juste son accord, quoi. Ok? Ok. Bon, allez, c'est parti. On y va, on l'appelle. Je te souhaite bonne chance, Kendra. Merci. Et en plus, c'est l'anniversaire de Florentin. Quoi de mieux que de lui faire croire un truc pareil? Elle est gentille quand même, Kendra. Hein. Ouais, on sent la copine aimante. Ouais, on sent qu'elle aime son mec. Allô, je décroche mon bigot. Ouais, B. Ouais, ah, c'est toi? Ouais, ouais, ça va? Genre, ça va et toi? Ou alors il est bourré, ouais, déjà pour l'anniversaire. Je fais mais... l'anniversaire là, bien. Ouais, j'avais une question bien, à te poser. Ouais. Tu sais, Michel, ce que je t'ai dit là, que j'avais rencontré le client là, qui est venu plusieurs fois, Leclerc. Ouais. Et ben du coup genre tout à l'heure en fait j'ai passé mon numéro et en fait là je suis chez lui et en fait il voulait savoir, enfin moi aussi ça m'intéresse, moi je voulais savoir si je pouvais coucher avec lui ce soir en fait. Non mais en gros là tu te fous royalement de ma gueule quoi, non? Mais non mais ça va, mais je suis nulle, c'est rien. Non mais la meuf Bon, il est d'accord ou pas le petit hein? Bah je sais pas, il a pas l'air trop bien d'accord là. Ouais, c'est mon pote là, il est derrière moi, enfin mon pote. Je t'avais dit, c'était pas la peine de l'appeler, ça sert à rien. Mais vas-y, ferme ta gueule toi, si tu parles à ma meuf, la sale bâtard là. Vas-y. C'était pas la peine de l'appeler, déjà quand on a un prénom comme le sien, on se la ramène pas. Mais ferme ta gueule, mon prénom, je m'en bats les couilles, moi je te mets un pain dans la gueule, je t'éclate la gueule, pédé là. Mais allez, mais c'est quoi, dis oui là. Vas-y, fermez vos gueules, j'ai tout cassé là, je m'en bats les couilles. Putain. Mais vas-y, mais vite, c'est bon hein. Ferme ta gueule toi aussi, grosse pute. Mais vas-y, ta gueule, tu nuis là. Hey Flo! C'est mon ami, tu me demandes ça, grosse pute! Hey Flo! Mais ça va, c'est uni, toi tu peux bien le faire, tu dis rien! Tu vois, mais fous ma gueule! Hey Florestane! Hey toi, ferme ta gueule, toi! Attends, j'ai repris le téléphone là! Mais arrête de parler au téléphone, mais viens! Bah tu veux. Mais je vais venir avec quoi? Mais viens, tout seul! Attends, j'ai autre chose à faire, je suis avec une bombe de blonde là, et je vais pas venir aller voir un mec, pourquoi faire? Donc t'es d'accord ou pas alors? Parce que t'as pas répondu à la question hein. Putain, je vais tout péter. Mais tu vas péter quoi? Tu me parles toi, connard là. Bah vas-y, reste calme, tranquille hein mec. Non, tu vas venir devant moi et on va parler calme si tu veux. Je vais venir dans toi, non mais ça m'intéresse pas hein. Ça m'intéresse pas de venir dans toi hein. Vas-y. Donc Ramène-toi putain. Eh, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu vas nous faire un infarctus hein. Tu veux baiser ma meuf, sale bâtard, tu veux quoi? Je mets. Ouais, mais attention, meuf, quoi, que les choses soient claires entre nous, je veux pas te la voler, hein. Moi c'est juste un coup d'un soir comme ça. Hein. Ouais, tu veux pas me la voler, sale bâtard. Bah non, t'inquiète pas. Tu vas pas nous chialer. Tu vas pas chialer là quand même, hein. Non, je vais pas chialer, je vais t'égorger les couilles, pédé. Tu vas m'égorger les couilles, je savais pas que mes couilles avaient une gorge. Putain, je fous de ma gueule, enculé. Mais non, bah après, tu dis des trucs improbables, alors excuse-moi de te reprendre. Mais ferme ta gueule parce que je suis énervé, tu comprends ça? Putain, tu serais dans mon système en miettes, patin. Mais non, tu ferais pas ça. Si. Non, parce que t'as l'air de quelqu'un de bien. T'as l'air de... Attends deux secondes. Hé, Kendra, tu peux chercher un petit verre, là, dans la cuisine? Ah ouais, t'inquiète, c'est bon, je l'ai. Tu préfères quoi, rosé ou... Ouais, rosé, vers Saint-Vert. Prends quelques glaçons là pour faire un petit un petit rosé piscine. Voilà, ouais. Bah, très bien. Comme ça, je parle à... avec Flo là, deux secondes. Eh, Florestan. Eh, dis-moi, maintenant qu'elle est partie dans la cuisine, comme je vois que le feeling passe bien entre nous, je peux te demander un truc ou pas? Vas-y. Tu m'en dis quoi? Qu'est-ce qu'elle aime bien sexuellement? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Non, parce que j'ai pas envie de me rater comme j'ai droit qu'à une fois. Ben moi, c'est quoi, la première fois, je vais te cuisiner, je vais te mettre bien. Tu vois, je vais te faire bouillir dans de l'eau, je m'en bats les couilles. Je vais te dire sur... Ouais, tu vas pas me faire bouillir dans le... Non, sur la gueule. Je vais te brûler la face. Mais non, tu vas pas faire ça. Je vais la mettre dans les chiottes après. Bah arrête. Mais non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. T'as l'air de quelqu'un de bien, je t'ai déjà dit. C'est quoi, tu vas même vomir dans les chiottes, bâtard, avec le verre que t'as bu. Hein? Puis après, tu vas tisser la bite tout seul. Mais non. Parce que c'est pas elle qui va tisser la bite ce soir. Ça le pèse. Mais non, arrête de dire ça, c'est homophobe. Voyons, ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Je suis sûr. Non, mais ça se dit pas. Bah, ma con, si tu me parles. Bah, écoute, tu sais, Flo, en même temps, moi, je l'ai vu au Leclerc. Elle a dit qu'elle en avait un peu marre d'avoir un mec avec un bide, les cheveux gris. Enfin, elle avait pas envie de sortir avec un vieillard, quoi. Franchement, si on arrêtait de parler, si on se donnait rendez-vous et qu'on va régler ça maintenant, tout de suite. Bah non, parce que là, maintenant, comme je t'ai déjà dit, mais t'as l'air d'avoir du mal à comprendre, là, j'ai une bombe de blonde chez moi, si tu veux, j'ai pas envie d'aller voir un mec excité, hein. Ah, t'as pas envie d'avoir un mec qui va te péter la gueule en sang, bâtard. En plus, là, je viens de voir son petit grain de beauté sur le sein gauche, là, c'est très sexy. Non, non, non, non, alors Flo, faut pas dire ça. C'est quoi, si tu baises ma mère, moi, je baise ta grand-mère, la chienne. Ouais, ça, tu vas avoir du mal, mais. Bon. J'espère qu'elle est toujours en vie pour que la baise. Bon, Flo, arrête de dire ça, voyons, ça se fait pas. T'as l'air un peu tendu, tu veux un calmant? Quoi? Tu veux un calmant? Tu crois que quoi? Est-ce que tu veux un calmant? Un calmant, j'en ai déjà pris des calmants. Ah bon, ça va alors. Bah, bon, reprendre une dose en supplément. Ah bah voilà, de retour, tiens, je te la repasse. Je te repasse Kendra, d'accord? Enculé. Mais non, allez, je te la repasse. Allez, tiens, Kendra, tiens, je te le repasse. Ouais, ouais, c'est bon, il est d'accord, on a un peu négocié, mais ça va, il est d'accord. Donc juste un soir. Mais oui, mais il s'énerve pour rien, mais tu sais, c'est comme un petit roquet. C'est comme un petit roquet, il aboie beaucoup, mais il mord pas. Voilà, mais oui, tu sais, il croise un gros chien, il fait waf waf waf waf, et puis après, il va. Mais pourquoi tu parles de petit de pute là? Mais c'est un mec cool. Putain, tu casses. Mais oui, au fond de lui, bah oui, mais d'accord, ok, mais c'est pas parce qu'il a un prénom bizarre que c'est un mec con. Hein. Non, mais ça va, franchement, il est gentil. Arrête de parler pour rien, parce que franchement, j'ai je m'en bats les couilles douter, je vais savoir où tu vas venir, je vais t'égorger, je vais te niquer. Mais s'il te plaît, c'est bon, je t'unis, tu me dis oui, après, bah comment voilà, c'est bon, je vais faire la négociation. Comment une meuf peut sortir avec un mec comme ça? Non, mais une meuf aussi bonne, c'est ça le truc, tu l'as pas vu. Ça va, c'est bon. Attends, je repousse le bouton. Bah non, non, non, allez, Flo, allez, pas de ça entre nous, voyons, hein, du calme, allez. Bon, allez. Allez, excuse-toi, excuse-toi et je fais rien avec elle. Excuse-moi, de quoi? Je crois que bah de toutes les insanités que tu viens de me dire. Moi, je suis un gros PD, je vais me excuser. Arrête de dire ça. Non, mais non, excuse-toi et je fais rien avec elle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais promis. Mais ferme ta gueule, je m'en bats les couilles, tes excuses de merde là, tu crois que mais non, mais je veux pas, c'est pas moi qui m'excuse, c'est toi qui dois t'excuser. Allez, excuse-toi ouais, non, et promis, non, promis, je fais rien. Moi, jamais de la vie, je m'excuse auprès de grosses putes, jamais. Mais je suis pas une pute, moi. Tu vois, on est gros, t'es une grosse pute, toi. T'es pas une pute, t'es une grosse pute. Tu m'as l'air un peu énervé, hein. Est-ce vraiment nécessaire de s'énerver autant comme ça, Flo? Ouais, tu touches à ma meuf, tu es avec ma meuf. Et si je te dis, que j'ai pas touché à ta meuf, ça va, ça te calme ouais, ou pas? Ouais, tu vas pas toucher, je m'en bats les couilles, c'est qu'on est avec elle. Et si je te dis que je suis pas avec elle? Mais tu fous ma gueule là, arrête. Bah ouais, en fait, arrête, on se fout un peu de ta gueule parce que t'es sur énergie. Bébé, j'ai rigolé. Oh, ça va. Eh, dis donc, il faut vraiment te calmer, Flo, hein. Tu vas nous faire un infarctus, hein. Non, c'est pas ça. Bah, les gars, comment ça, vous faites une blague comme ça? Bah, attends, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Cela dit, Flo, je peux comprendre qu'on s'énerve. Peut-être pas à ce niveau-là, mais quand on a une bombe de meuf à la maison, je peux comprendre qu'on n'ait pas trop envie de la partager. Non, mais voilà, je viens de comprendre, c'est bon. Ah oui, bah, dis donc, ça y est, le front est tombé, Flo. C'est bon, tout va bien. Je suis sur énergie, je suis sous le choc. De choc de quoi? Bah non, c'est tu préfères qu'on soit pas sur énergie et qu'en fait il y a un mec qui soit prêt à pécho ta meuf? Non, sinon tu dis, là, après ça chaud. Peut s'arranger, je bien peux envoyer moi, top je, à Gap. Je suis entièrement d'accord. Voilà, ouais, on va pas recommencer là. Si vous plaît, on aurait pu. Bon, effectivement, Kendra, ton mec est un peu tendu du cul. Hein. Un peu, ouais. Léger. C'est très très chaud là. Oh. Eh ouais, mais attends, mais hey, Kendra, il s'énerve comme ça souvent? Non, mais là en même temps, ce qu'on vient de lui faire, c'est normal, hein. Ouais, bah normal, oui, mais bon, quand même, hein. Et toi, tu tombes sur un mec comme ça, hein, tu couches avec une meuf, la meuf elle est maquée, tu tombes sur un mec comme ça, toi, il est cassé en deux direct. Hein. Ah bah, c'est à dire que même, il part en courant. De toute façon, il part en courant, c'est clair. Ah bah, bon, allez, obligé. Ouais, je peux pas lutter. C'est ça. Bon, Kendra et Flo, je vous renvoie chez le nouveau standard pour les coordonnées. Passez une bonne soirée en tout cas, bonnes vacances les gars. Et Flo, calme-toi par pitié, du calme, du calme. Moi, je suis très très calme, mais bon, quand ça va pas, c'est comme ça. Ah bah, ça va pas. Mais on l'a entendu, tu es très très calme. On l'a bien entendu. La douceur même. Salut Kendra, salut Flo. Salut. Bah, j'espère bien que t'es content. Et puis bah, tu n'hésites pas, tu rejoues avec nous, mais un peu plus tard, on va dire ça comme ça. Les autres, si vous voulez faire un chéri, je peux te faire cocu. On en refait un nouveau lundi soir. De mémoire, je pense qu'il y aura des GoPro à gagner. Si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez évidemment envoyer cocu, vous mettez ça dans l'objet du mail par exemple, vous laissez votre numéro de téléphone et vous envoyez ça à Seba au standard seba@energie.com. On parlera de gastro avec Tof. Oui, c'est vrai qu'un petit problème de gastrique là pour l'instant. Et on fait ça juste après le son d'Alvaro Soler maintenant sur Energie. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. De la perfection. De 20h à 22h sur Énergie. Jusqu'à 22h, et bah oui, c'est Mickaël sur Énergie avant l'arrivée du Hit Énergie DJ Buzz. Et puis il y a Amandine qui vous envoie un petit message qui demande comment va mon petit Tof. Bah ça va mieux là, non? Ça commence. Ça va c'est, mieux. C'est encore un peu compliqué, mais ça va. C'est comme un sac poubelle qu'on aurait vidé, ouais, nettoyé. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais alors, il y a Seba qui est au standard qui a dormi chez Tof hier soir et apparemment il y a eu un accident cette nuit, mais on ne sait pas quoi. Mais il veut pas déclarer en fait. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé déclarer. Alors et ben, en fait, il s'est tardé que ce matin je me suis réveillé, donc forcément une envie pressante s'est faite et que. T'es pas pissé dessus. Non. T'es chié dessus. Et donc en fait, voilà, mais sauf que je me suis chié dessus avant, juste t'es à un moment. Sérieux. Ça l'histoire du. J'avais la poignée de la porte des chiottes dans la main, tu vois. Paf. Et, oh, et là, trop tard. Mais t'es pas sérieux. Mais don't trust your anus. Ne fais jamais confiance à ton trou de balle. Oh, mais c'est pas possible. Et donc voilà, et donc le drame, ouais. Mais. Bah quoi, mais est-ce que je fasse Bon, on a fait ta mère tout de suite. Ah ouais, là, franchement, il y a un moment, Maryse, faut faire quelque chose avec ça, c'est pas possible. Mais comment ça peut arriver encore aujourd'hui à 36, presque 36 ans? Bah, parce que je suis pas dans les conditions normales. Je me suis pas dessus le reste du temps. Et tu sais, bon, après, c'est un peu tôt, mais c'est vrai que ça arrive des fois quand t'as la tourista, quand t'es en vacances. Non mais bien sûr, mais quand ça d'accord. Ça part, mec, tu peux faire ce que tu oui, veux. Oui, ça oui, part. je suis d'accord. Enfin, c'est bizarre, hein. Bon, ben, bloc. Mais c'est la première fois que tu t'es fait quelqu'un dessus, rassure-moi. Bah, rassure-nous, j'espère. Enfin, sauf quand t'es bébé, mais. Non, il y a les scouts, hein. Vous voulez que je raconte l'histoire des scouts? Ah ouais, non, c'est quelle vrai. Quelle histoire des scouts, oh, je sais que cette histoire, je la connaissais pas. Ah bon, bah, dis donc, t'es bien le seul. Ouais. Bon, on va la raconter parce qu'il y a plein de nouveaux auditeurs qui sont là d'habitude. On avait raconté ça quand on était là la nuit. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, ça mérite. J'avais mis quoi comme musique la dernière fois? Merde, j'ai oublié. La chèvre. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Alors, la musique de la chèvre, un vieux film, hein, voilà. Ah bah parfait, tiens. Alors, mesdames et messieurs, voici l'histoire de Toff quand il s'appelait Jabiru. Voilà, c'était encore avant Jabiru. Ah, c'était avant Jabiru. C'était bien avant Jabiru. Attends, je prends mes popcorn, vas-y, tu peux raconter. Je m'installe aussi. Hein, donc, c'était bien avant Jabiru. Il se trouve que donc, bah, j'ai été scout et que donc, j'ai forcément fait mon premier camp scout. Et que bah, le premier camp scout a été une grande découverte pour moi et une grande communion avec la nature. Puisque donc j'ai découvert. Est-ce que t'as frotté ton zizi sur un arbre une fois? Non, j'ai pas frotté mon zizi à un arbre. Mais j'ai appris à me laver dans la rivière. Et donc du coup, bah, c'est la première fois que j'y vais. Et donc, bah, pour aller chier, t'as en gros deux possibilités. Soit tu vas dans la nature, ouais. C'est-à-dire qu'en gros tu trouves un coin tranquille dans la forêt. Soit tu vas dans le chiotte qui a été fait, qui a été creusé quoi. Donc en fait c'est un trou et puis. Oh quelle horreur. C'est un trou et puis il y a voilà il y a des du bois pour essayer de faire une fausse chiotte et une vraie planche de chiotte mais c'est tout quoi. Oh là là là. Là. Et donc quand tu chies bah ça tombe par terre. Et donc voilà t'as les deux choix et donc forcément si tu choisis l'option ça tombe par terre, ouais. T'es avec les mouches avec les odeurs forcément des mecs qui sont passés avant toi. Donc du coup, comme c'était la première fois pour moi, c'était très difficile. Donc j'ai essayé, je me suis retenu. et sauf qu'à un moment, bah forcément, ça a dû sortir et c'est sorti tout seul. Comme quoi, c'est une habitude chez Toff. Voilà. Et bah donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le caleçon, je l'ai balancé. Et puis voilà, tu vois, je me suis torché le cul et puis j'ai pris un autre caleçon. En loose day, genre Divini Prunis, voilà, je t'embrouille. Voilà, exactement. Et donc sauf que donc arrive le dernier jour du camp où normalement bah donc voilà ils font le truc où t'es voilà qui a été le meilleur, qui a fait le plus de ci, plus de ça, bazar. Et à ce moment-là, on finit par les objets trouvés, les trucs qu'on a perdus sur le camp et que forcément bah il faut rendre à chacun. Ouais. Et à un moment arrive un caleçon plein de merde. Et ouais. Et donc attends, moi j'ai sorti d'une boîte. et donc moi je fais genre non je sais pas non. Et là bien sûr qu'est-ce qui se passe? Ah bah quoi? Bah super maman arrive. Eh oui, Maryse, on l'embrasse évidemment. Super là, Maryse. Oh, mais c'est à mon fils. Mais oui. Alors qu'il essayait de tout planquer tranquillement là, évidemment. Hein. Et donc voilà, donc c'était l'affiche. Voilà, c'était l'affiche totale. Putain, franchement là, c'est une putain d'affiche quand même. Hein. Parce que t'as quand même dû prendre cher. Parce que surtout quand tu nies et qu'après bah on te met dans la gueule qu'en fait tu fais. Ah, là c'est mort parce que. Non, c'est ta personne, Tu sais, en plus, ma mère à l'époque elle mettait des petites étiquettes avec mon nom. Donc en fait, en grattant la merde, t'as mon nom qui ressortait quoi. Et bon appétit, si comme nous vous êtes en train de manger, rassurez-vous, ça va bien se passer. Bon, allez, on va se mettre le son de Soprano maintenant. On va revenir juste après avec les appels mal intentionnés. On parlera de couple également et des disputes que vous avez déjà eues pendant que vous étiez en couple. Et ben, si jamais vous avez des petites anecdotes là-dessus, vous pouvez évidemment envoyer un mail avec votre numéro de téléphone assez bas au standard. SEBA@energie.com. Bon, passez une bonne soirée. On écoute Sopra, c'est maintenant sur Énergie. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Le soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. Sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur eux. J'ai l'impression de planer, regardez. Je suis en feu, car moi ce soir je suis en feu.

Presque. Sorry, je me marie. Lundi à 19h45 sur Energy 12. Auditeur complètement dingue. Des jeux, des canulars. Et surtout, Mickaël, Duff et Polo. De 20h à 22h sur Énergie. Dernière demi-heure de l'émission jusqu'à 22h. On est là, c'est Mickaël sur Énergie. On a passé tout l'été ensemble et on sera ravis de revenir dès lundi à notre horaire presque normal, on va dire. Hein, mais en tout cas, définitif pour cette saison. On sera là à partir de minuit à 4h pendant toute la saison, normalement. Hein, juste après Guillaume, qui lui-même sera de retour juste après Koé. Koé qui revient à 19h. Et puis, on va évidemment écouter le son de Knash, je l'avais promis. Et on va se faire les appels mal intentionnés. Et ça y est, c'est officiel. Il ne faudrait apparemment qu'un seul rapport sexuel par semaine pour être heureux. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des scientifiques qui l'affirment. Et si c'est dit par les scientifiques, c'est que c'est vrai normalement. Ah bah toujours les scientifiques ont toujours raison. Bah voilà. Donc Tof, tu vas voir avec tes amis. Enfin quand on dit tes amis, c'est les gens qui les numéros des gens qui t'envoient. Hein, les numéros que les gens t'envoient, pardon, sur ton mail toph@energie.com. Tu les appelles et tu vas leur demander. Exactement. Tu vas leur demander quoi? Combien de fois ils couchent par semaine? Bah oui. Et ben c'est parti. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, c'est pas monsieur, non. Ah, c'est madame? Ouais, plutôt, ouais. Ah, pardon, bonsoir madame. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir combien de rapports sexuels vous avez par semaine. Quoi? Combien de fois vous faites l'amour par semaine? Mais c'est qui, là? Moi, je m'appelle Tof. T'es un malade? Mais pas du tout, madame, enfin, pourquoi vous dites ça? Comment ça, pas du tout? Bah, non. Mais arrête de m'appeler madame. Bah, vous êtes monsieur? Non, je suis pas un monsieur, mais je suis pas une madame. Ah, mais vous voulez que je vous appelle comment? Mais t'es un cinglé, c'est pas possible. Mais pas du tout, madame. Moi, je vous appelle, je vous pose une question, vous y répondez pas. En plus, je voulais pas que je vous appelle madame, alors moi, je sais plus comment vous appeler. Qu'est-ce que tu m'appelles pour me poser une question pareille, déjà? Bah, pour avoir une réponse, enfin, c'est logique. Non, mais pourquoi moi? Bah, pourquoi pas vous? Bah, parce que... Bah, non, moi, je trouve que vous, c'est quel... vous êtes quelqu'un de bien, vous pouvez répondre à la question. Ouais, ouais, d'accord, ouais, ok, ouais. Ça me tente bien. Toi, t'es quelqu'un de bien, non? Bah, oui, je pense. Mais pas du tout, enfin, madame, me dites pas ça, c'est pas gentil. Mais j'ai pas envie d'être gentil. Bah, pourquoi, madame? Attendez, moi, je vous appelle gentiment. Allô? Allô? Ouais. On, évidemment, dormir tard apparemment est mauvais pour la santé aussi, mais la cigarette et l'alcool également. Hein. Oui, je juste à faire une petite parenthèse supplémentaire. Je pense que c'est beaucoup plus grave. Je pense, on rappelle. Mais est-ce que l'addition des trois? Ouf, alors là, je pense que ça peut être catastrophique. Oui, je m'excuse, madame, on a été coupé. Ouais, on a été coupé, ouais, parce que moi je suis en train de travailler là. Bah oui, mais si vous répondiez à la question, je serais pas obligé de vous rappeler, madame. Je t'ai pas demandé de me rappeler, moi. Bah oui, mais moi j'aimerais bien pas, avoir une... Je t'ai pas demandé de m'appeler tout court. Bah oui, mais moi j'aimerais bien avoir une réponse maintenant qu'on se connaît. Mais on se connaît pas du tout. Bah si, puisque je vous ai appelé. Ouais, mais pourquoi tu m'appelles déjà? Bah pour savoir en fait combien vous avez de rapports sexuels par semaine. Non, mais ça te regarde pas. Bah si, c'est pour ça que j'appelle. Je t'ai pas demandé de m'appeler pour me demander ça, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce malade? Mais non, madame, moi je vous appelle, je vous pose une question, vous y répondez, on n'en parle plus. Enfin, c'est pas la peine de s'énerver pour rien. Comment ça, s'énerver pour rien? C'est un cinglé qui m'appelle, qui me pose une question de cinglé. Oh non, madame, non, je peux pas vous laisser dire ça. Putain, arrête de m'appeler madame, madame, madame. Bah oui, mais vous voulez pas que je vous appelle monsieur, alors forcément, on est bah, pas aidé. Bah, je suis pas un monsieur. Bah oui, donc vous êtes une madame. Je suis une mademoiselle. Bah si vous voulez. Donc mademoiselle, combien vous avez de rapports sexuels par semaine? J'ai pas envie de répondre à une question débile. Mais elle est pas débile, ma question, mademoiselle, quoi, enfin, ça se dit pas. Tu t'amuses à faire un sondage Ipsos, non? Non, en fait, c'est juste pour moi, en fait, parce que j'étais à la maison, je m'ennuyais, et du coup, moi, j'appelle des gens pour leur poser des questions. Ah ouais, bah putain, quelle bonne soirée. Hein. Bah, je vous remercie. Bah, tu vois, moi, je suis en train de travailler, je suis pas en train de poser des questions de débile mental. D'accord, mais si vous y répondiez, mademoiselle, on avancerait. J'ai pas envie. Bah, pourquoi? Ça se fait pas. Mais c'est incroyable, des gens pareils. Mais pas du tout, mademoiselle, enfin, pourquoi vous me dites ça? Mais parce que, mais comment t'as fait pour exister, mon pote? Bah, comme tout le monde, j'ai mangé, non, j'ai... Non, non, mais c'est pas normal. Bah, si. Qu'est-ce que j'ai pas de normal, mademoiselle? Ah bah, écoute, moi, je comprends pas bien, là. À une heure, pareil, appeler, poser des questions de débile, faut pas être normal. Bah... C'est pas quelqu'un de normal. Bah, si. Bah, pas du tout, mademoiselle. Tu as trouvé où mon numéro de téléphone, déjà? 118-218, toutou youtou. Ouais, toutou youtou, ouais. Non, mais oh... Bah, ou quoi? Va t'amuser avec un autre numéro de téléphone. Mais je m'amuse pas, mademoiselle. Moi, je vous appelle, je vous pose une question. Non, mais franchement, est-ce que tu crois que j'ai que ça à foutre de répondre à une question cinglée? Bah, oui, parce j'ai un que peu l'impression. J'ai un peu l'impression que vous avez que ça à foutre de répondre à la question. J'ai que ça à foutre? Bah, j'ai oui. J'ai travaillé, j'ai sûrement que ça à foutre, malade. Bah, attendez, ça fait 4 minutes qu'on discute, là. Bah, ouais, mais parce que. Ah. Oreillette, t'as vu? Ah, voilà, alors que si vous répondiez, on aurait déjà raccroché, mademoiselle. Mais je ne réponds pas. Je te dis zéro, voilà, t'es content? Bah, c'est pas beaucoup, ça. On dirait mieux. Bah, robin. Voilà, ça suffit. Allez, on n'a pas le temps, on travaille. Oh, mais non, hein? Moi, je suis sûr que vous mentez. Je suis sûr que c'est plus que ça. Ouais, avec ouais, la... bah. Avec zéro, la voix sexy zéro. Que vous avez, je suis sûr que c'est plus que ça. Ah, mais quelle voix sexy, ouais, c'est super, ouais. Ah, mon dieu. Oh, punaise. Putain. Bon, allez. Mon petit, c'est une bonne soirée quand même. Va jouer avec tes bêtises. Hein, et puis voilà. Mais vous êtes bâché ou vous êtes bâché au frigo? Ah non, non, je fais pas partie de la catégorie de ce genre de PD. Bah, vous êtes quoi alors? D'ailleurs, j'ai envie de dire que les bâchés, les frigos, je vois pas trop. C'est des PD, c'est tout. Allez. D'accord. Mais alors, pour le nombre de rapports alors? Ah, elle a raccroché. On dirait Muriel Robin, non? C'est vrai, ouais, dans certaines intonations, on dirait. Bon, on va la rappeler. En tout cas, elle aime bien les camionneurs, visiblement. Les routiers, hein. Waouh. Oui, allô, je m'excuse, on a encore été coupé. Bah oui, parce que moi, je sais toujours pas combien vous avez de rapports sexuels dans la semaine. Non, mais c'est incroyable. Bah non, c'est pas incroyable. Attendez, vous répondez pas à la question, je suis pas obligé de vous rappeler. Mais c'est incroyable d'être plus pareil quand même. Bah non, enfin pourquoi vous dites ça, madame? mademoiselle. Non, il me dit non. Comment ça, non? Bah, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non, bah, mais t'as un souci dans ta tête. Mais pas du tout, mademoiselle, enfin, arrêtez de dire ça. Attendez, moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une question. La moindre des choses, ça serait d'y répondre. Ah, mais c'est moi qui la moindre des choses, moi? Bah, moi, oui. Je t'ai demandé, mon pote. Bah, non, c'est moi qui vous pose la question, mademoiselle. Mais moi, je t'ai pas demandé de m'appeler, de me poser des belles questions, là. Bah oui, mais enfin maintenant que je vous ai appelé, non, vous pourrez... Ça y est, parce que là tu commences à m'énerver là par contre, t'as vu? Oh non, mademoiselle, pas de centre nous enfin. Je veux bien rigoler, t'as un petit gamin là, 5 minutes, t'as vu, tu me passes mon temps vite fait. Ah non, mais j'ai 35 ans, madame. Enfin, ah, mademoiselle. Ouais, d'accord. Ah ouais, 35 ans, bah bravo, tu vois, on a le même âge. Ah bah voilà. Imbécile. Bah enfin, me dites pas ça, non, mademoiselle. Mais c'est pas possible, t'as pas 35 ans, c'est impossible. Ah si, je suis né en 1980. Je suis limite choqué là. Ah bah, y'a pas de centre nous. J'aurais pu pas de temps entre nous. J'aurais plutôt pensé que t'avais 15 ans, t'as vu? Ah bah j'en ai juste 22 de plus, bah c'est pareil sinon. Ah bah dis donc. Bah non, mais faut grandir un peu dans ta tête, pas que ça à foutre. Bah oui, mais si vous voulez, je vous rappelle demain, hein, et ça sera pareil. Hein. Ouais, oui, non, non. Tu me rappelles ni demain, ni dans une heure, ni dans 5 minutes, ni un quart d'heure, rien. Laisse-moi tranquille, allez. Ciao. D'accord, à demain alors. Eh ben voilà, très bien, on la rappellera peut-être... Peut-être pas demain. Non. On va peut-être attendre la semaine prochaine. Non, hein, oui. Voilà, pour prendre des nouvelles de notre ami Muriel Robin qu'on vient de rencontrer ce soir. Bon, si vous avez d'autres numéros de téléphone pour Tof, hein, pour faire de nouveaux appels mal intentionnés, vous pouvez bien sûr les envoyer sur le mail, sur son mail, toph@energie.com. On parlera de disputes dans quelques instants, après le son de Gnash qu'on écoute tout de suite. C'est Mickaël sur Énergie. Et n'oubliez pas d'ici un petit peu moins de 30 minutes maintenant, eh bien, le Hit Énergie DJ Buzz comme tous les soirs, tous les vendredis soirs à partir de 22h sur Énergie. I hate you, I love you. But I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out but you wouldn't bite that. I type a text but then I never mind that. I got these feelings but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. I don't mean no harm. I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you did. Lie to me, lie with me, get your fix. Now all my drinks and all my feelings are all mixed. I'm always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. That you were slowly killing me. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. You want her, you need her, and I'll never be her. Oubliez New York. Miami, Tahiti, des destinations de rêve. Oubliez la fête, les cocktails, la plage. Oh non ! Des destinations de rêve. On est là. Oubliez l'aventure, le sport, les vacances. C'est Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Et sur Twitter, Facebook et Instagram, M-I-K-L officiel. Bon vendredi soir sur Énergie. Bah oui, jusqu'à 22h, on est là. Presque la dernière ligne droite avant d'écouter Maître Gims et Sib, c'est un de mes sons préférés pour l'instant. On va prendre Manu qui est avec nous maintenant. Manu, on va parler de quoi avec toi ce soir? Bah, je sais pas. Comment ça tu sais ah, pas Ah bah parfait. Ah mais t'appelais juste comme ça pour dire bonjour? C'est ça. Oh d'accord, et mais bah, c'est bonjour. Bien aussi. Non mais d'accord, moi je pensais que t'appelais comme ça pour un problème. Bah écoute, ne sois pas venu pour rien. Manu, non, mais... là, combien mesures-tu? Oh putain. Non mais elle a dit qu'elle avait un mec, elle a dit qu'elle avait un mec. Et alors, on peut se branler quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors combien mesures-tu? 1m61. Combien pèses-tu? 60 kilos. 60 combien? 75. Oui. Quel est ton tour de poitrine? De toute façon, elle a un mec, Tof, ça ne sert à rien. C'est elle pas a grave. Un mec. Alors quel est ton tour de poitrine? Oh là là, quelle lourdeur. Je sens la branlette espagnole arriver. 90C. Ah là, je le savais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Regarde-moi ce cul. Oh là là. Merde. Oh, bah merde, oui, mais merde, alors merde. Bon. Oui, mais c'est bon, je me suis trompé de bouton, ça va. Arrête de gueuler, toi. Bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Cela dit, Manu, ça tombe bien que t'aies appelé au final. C'est rare que les gens appellent pour juste dire bonjour, tu vois, d'habitude c'est toujours un problème. Ouais. Et c'est bien aussi, cela dit, Manu, mais tu tombes bien, puisque je suis tombé sur un truc, je voulais en parler ce soir, et puis bah justement t'es là. Est-ce qu'il y a un truc où tu te prends beaucoup la tête avec ton mec? Genre c'est quoi le sujet où vous vous engueulez le plus souvent? Avec lequel vous vous engueulez le plus souvent? Ah, le sujet pour lequel c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il fait des fois, donc ça ce qu'il fait vite en embrouille. Il tue pas des gens, c'est pas un tueur à gage. Non. Ah non, mais ça me rassure. Il fait des trucs qui me plaît pas, donc genre il trompe souvent. Non, pas ils vont tromper, du shit, mais non. Mais genre il est quelques jours sans m'appeler ou ah non, c'est rien, voilà. Ça. D'accord. Ah ok. Non, parce que l'argent ça vous embrouille jamais? Non, du tout. Ah, parce que selon un sondage qui est sorti, le numéro 1 de l'embrouille dans un couple, c'est l'argent, 74%, contre 61% pour la famille, belle famille, enfin tu sais, ouais, si, papa, famille, maman, c'est toujours, la belle-mère, le beau-père, tout ça. Les tâches ménagères, 55%, les enfants également, c'est 43%. Ah. Le travail, 36%, ça pourrait rejoindre l'argent, cela dit. Ouais. Les sorties, il y a les amis, les animaux domestiques également, la perte de poids, les vacances aussi, ça, c'est risque d'embrouille. Ah ouais. Où est-ce qu'on part, chérie? Ah bah ouais. Moi je vais aller là. Non, va là-bas, non. Ben, ou alors le mec il promet monts et merveilles, puis après il n'y a plus d'argent, ça c'est possible aussi. Ouais. Bon, du coup, dites-nous, tiens, s'il y a des trucs des sujets d'embrouille dans votre couple, c'est quoi le pire sujet d'embrouille? Appelez-nous 01 40 71 5000. Mais tu remarqueras que tout revient quand même à l'argent, parce que les vacances, faut quand même de l'argent pour marcher. Ouais, bah, les amis, tu sors, tu dépenses parce que tu vas payer des coûts, tu vas payer à bouffer. En fait, tout revient à l'argent. Non, c'est vrai. Valentine au standard, dis-moi, il y a un sujet d'embrouille qui arrive souvent chez toi ou pas? Oui, les jeux vidéo, genre le mec qui passe trop de temps sur les jeux vidéo, c'est insupportable. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment mon sujet d'embrouille numéro 1. Ouais, c'est parce que toi, t'es pas trop jeux vidéo, ouais, mais... c'est pour ça. Bah non, enfin, ça me dérange pas, mais quand le mec y est tout le temps, c'est lourd, quoi. Ouais, bah, en même temps, on te force pas à sortir avec des geeks, quoi. Non, mais après, j'ai pas eu de chance, ouais. C'est tout le temps des geeks. Après, c'est pas marqué sur ta tête non plus. Hein. Voilà. C'est vrai. J'ai reçu un message tout à l'heure, je me souviens plus de qui, malheureusement, mais message, il disait le sexe. Ouais, parce qu'après, t'as parfois des mecs ou des filles, souvent les mecs, qui ont tendance à vouloir plus de sexe que les filles, du coup ça porte à embrouille, etc. Moi c'est un peu particulier, je pense que personne partage ce truc, c'est mon style de vie un peu particulier. C'est-à-dire en fait des fois il m'arrive, parce que je suis pas un fan de rester avec des meufs assez longtemps, et en fait elle me reproche mon style de vie. C'est oui, mais tu fais ça, toi tu fais ça, tu vas dans les boîtes de striptease, monsieur il fait de la boxe, monsieur il fait des trucs. Et alors je fais ce que je veux et je les dégage au bout de 10 minutes quoi. Ah ouais. Pas 10 minutes, mais. Non, en fait, alors si jamais un jour vous êtes une meuf, vous passez à la radio, vous croisez Polo et vous voulez le draguer, faut pas lui poser de questions. C'est mieux parce que si par malchance, vous avez la malchance, encore une fois, de te poser la mauvaise question, au mauvais moment. Pour peu qu'il ait un pantalon vert et que vous soyez, pas de chance, la deuxième ou troisième personne à lui dire « Mais bien. T'as un pantalon vert, Polo ? Pourquoi t'as un pantalon vert ?» Alors là, c'est mort. Voilà, c'est vous êtes mort. Voilà, Mickaël qui me connaît bien. Ah bah, connaît... depuis le temps, ouais, donc vaut mieux pas. Et si vous voulez être sûr... Dis pas ça, je vais te mettre une baffe, c'est quoi ? De vous embrouiller avec lui, parlez-lui de sa veste. Ah oui. Ah, si vous lui parlez de sa veste, alors là, vous êtes au top. Pourquoi j'explique, hein, parce qu'il a une veste de motard alors qu'il n'a pas de moto. Voilà, donc, comme ça. Tout le monde lui demande pourquoi t'as une veste de motard et que t'as pas de moto, bah forcément ça l'énerve. Sauf que ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a la personne qui pose la question, elle ne sait pas qu'on lui a posé 100 fois la question avant. Ouais. Et voilà, d'où l'énervement. Pascal de Lyon, comment ça va ? Ça va, bonsoir Mickaël, bonsoir à tout le monde. T'es en forme ? Tout à fait, à fond. Bon, très bien. Pascal, t'es où là ? T'es dans ta voiture ? Non, là, je suis en camion. Là, je fais un relais, là, Moulin à Lyon, voilà. Quoi. Ah, d'accord. Tu peux parler un peu plus fort parce qu'on l'entend très très mal. J'ai un bouton à fond là. Je crie à fond. Ah bah, crie encore un peu plus fort. Oh putain, là, ah bah voilà, c'est parfait t'es au top, Pascal. Là, mec, t'es au top. Il doit hurler dans la cabine, mais c'est pas grave, on t'entend bien. Ouais, mais c'est ça, là, je crois que j'ai réveillé un mort. Eh bah là, c'est au top, là, on t'entend super bien. Bah écoute, t'as dû avoir un kit malib de merde, mec, si je te dise, Pascal. Ouais, mais voilà, mais c'est ça, voilà. Et bah là, c'est nickel. Bon, alors, Pascal, raconte un peu, là, quel est le sujet qui porte en embrouille dans le couple ? Ah, bah c'est le bricolage, quoi, le bricolage. Alors, moi, j'ai deux mains gauches. Et ma femme, à chaque fois, me demande de faire des trucs, et quand ça part en sucette, eh ben, je casse tout. Voilà. Ah ouais, mais pourquoi tu lui proposes encore ? Enfin, pourquoi elle t'impose de faire du bricolage si elle sait que tu sais pas faire ? Ah ben, elle me dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, non, mais d'accord, ok, mais. Ouais, mais chez moi, c'est pareil. Hein. Ma mère, elle prend la tête à mon père pour qu'il fasse des trucs, alors que bon, c'est pas le grand. Tu vois, il sait faire des petits trucs, mais c'est pas un grand bricoleur. Et donc, du coup, quand c'est mal fait, eh ben voilà, maintenant on doit appeler le plombier. Ah oui, mais si tu l'avais appelé tout de suite. Ah oui, c'est clair. Ah putain. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Ah ouais, ça c'est vraiment. Mais ça, je comprends pas comment est-ce que tu peux t'obstiner. Tu sais, au début, tu demandes. Tu vois que le mec sait pas faire, mais il sait pas faire. Faut connaître ma femme, hein. Ouais, non, mais d'accord, qu'est-ce ok. Qu'est-ce qu'elle a, Germaine ? Qu'est-ce qu'elle a, ta femme ? Bah, elle a 50 ans, quoi. Bah oui, alors. Quel est le problème ? Bah, tu me demandes son âge. Je te donne son âge. Non, j'ai pas demandé son âge. Il t'a pas demandé l'âge de... Non, pas pour moi. Ah non, pas du tout. Non, t'inquiète pas. Non, je dis que c'était malin de s'obstiner à demander à quelqu'un de faire un truc qui sait qu'on. Enfin, on sait pas faire, quoi, tu vois. Ah ouais, mais bon, ben voilà, quoi. Elle me demande, hein, puis voilà, puis c'est tout. Ah, ben quand même, t'es quand même pas con, tu vas pouvoir y arriver, puis voilà, puis ça part du chef, et puis voilà. Bah après, t'as des trucs. Après, ça va pas. Regarde les tutos sur le roi Merlin. Hein. Ouais, après, tu peux voir ça. Ou alors, tu sais, le bricolage pour les nuls, des trucs comme ça, ça peut fonctionner. Hein. Non, mais je pense que le bricolage. Mais j'essaye, hein, puis. Des faut fois, avoir la main. Non, oui, c'est clair. C'est un bien truc. Sûr. Faut. Tu sais, t'as des mecs. Moi, je suis impressionné par les mecs qui réparent des motos, des voitures. Et tu sais, qui arrivent à bricoler le truc parfaitement. Moi, je suis impressionné. Non, franchement. Ou ceux qui refont les voitures, tu sais, qui les désossent complètement, qui refont la peinture, tout le bordel, la rouille, et après ils les remontent. Et ça marche. C'est un truc. C'est, après, le mec qui se met au volant, il roule, quoi. Mais j'avais une petite passion quand j'avais une dizaine d'années, 15, 12, 13 ans. En fait, j'étais obsédé par les horloges et les montres. Et je m'amusais à démonter les horloges, les réveils et tout, en pensant que j'allais remonter, sauf que t'as toujours ce putain de ressort qui saute et que t'arrives jamais à remettre, quoi. Ouais. Et voilà, j'en ai cassé des centaines. Ah mais moi, quand j'étais gamin, je démontais tout, hein, le téléphone, les radios, la télé, machin, et en fait, j'arrivais jamais à remonter le truc. Ouais. J'arrivais à démonter, à parfois réparer, bon, parfois c'était pire que mieux, mais bon. Bon, merci Pascal. Ok, pas de soucis. Salut. Allez, Pascal. Et tu rappelles quand tu veux, ciao à toi. Manuela. Oui, c'est moi. Bon, encore un truc à ajouter du coup, mademoiselle. Oui, moi je Dis-moi. Disais, pour le sexe, je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que y a pas que les mecs qui ont toujours envie. Non, j'ai pas dit qu'il y avait que les mecs, j'ai dit parfois il y a les filles, mais c'est plus souvent les mecs en général qui ont envie de cul que la fille, en général. Bah pour ma part, c'est pas le cas. Ah bah écoute, après voilà, tu fais partie de l'exception qui confirme la règle. Et j'ai envie de dire tant mieux. Pourquoi c'est ton mec qui en gros t'es... Bon je vais peut-être exagérer un peu, mais quoi. Bon. En gros, ton mec est normal, toi t'es l'info. Ou bah, pas à ce point-là. Quand je suis avec lui, en fait, j'ai tout le temps envie de lui. Et bah tant mieux. Ah bah c'est bien, il va pas s'en plaindre. Non mais après, c'est bien au début. Mais dans une relation, au tout début, voilà, c'est nouveau. Tu sais, c'est comme tout, dès que c'est nouveau, t'as envie d'écouter, d'utiliser, de jouer avec, machin. Mais après, à un moment ou à l'autre, je vais pas dire que tu te lasses, mais c'est normal que tu consommes un peu moins souvent. Au début, tu vas peut-être baiser 3 à 4 fois par jour, et puis après, ça va être par semaine, et puis j'irai pas dire que par mois non plus, mais tu sais, ça va diminuer, c'est normal. Enfin, je pense, en tout cas. Et puis à la fin, ce sera une fois par an. Et puis autre chose, quand t'aimes quelqu'un, je pense que t'as autre chose à foutre que de baiser. Tu vois, t'as aussi...

soit l'horaire, on ne changera pas. Énergie. Mickaël est sur Énergie. De 20h à 22h. Et voilà, jusqu'à 22h, bah, c'est fini hein, du coup. Bah, j'espère que vous avez passé un bel été en notre compagnie. On s'est bien marré, nous. On est content de retrouver notre place, cela dit au passage. Hein. On sera de retour dès lundi à partir de minuit. N'oubliez pas aussi Manu qui doublera vos salaires à partir de lundi. C'est à partir de 6h du matin. Si bah, faut être trop taquet. Hein. Tof, tu veux doubler ton salaire ou pas pour arriver à 5-10 euros là? Ah bah j'aimerais bien. De 5 à 10 euros, ça vaut la peine. Hein. Faut jouer, non, vraiment, faut jouer. Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il peut faire un truc supplémentaire juste pour moi pour 10 euros. Allez, tu sais quoi, il multiplie par 10. Lundi, mais uniquement si c'est toi qui gagne. Hein. Ah oui, quand même. Voilà, bah attends, tu vas passer de 5 à 50 balles. Ça vaut la peine. Hein. Bon week-end en tout cas. On se retrouve donc, comme je le disais, Koé aussi à 19h. Il sera de retour avec toute l'équipe. Guillaume à partir de 22h. Et puis nous, on sera là à partir de minuit. Bon week-end, Amina, qui va faire quoi? Qui a un date. Oh un non rendez-vous. Oh là. On peut suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, absolument, tout sur ça. Snapchat. Oh génial, parfait. On peut pas te mettre une petite caméra dans les cheveux? Oh si, ce serait génial. Pour voir la gueule du mec. Non. Mais diffusé pas sur YouTube mais sur YouPorn en live. Mais c'est une blague ou quoi? Oh, comme ça tu pourras faire le trio YouPorn lubrifiant capote. Oh, là, je vais vomir. Ouais, c'était rapport à la vanne de début d'émission à 20h. Hein, le soleil, mon œil et claquette. Bon, que j'ai à dire, Polo, bon week-end également. Oui, bon week-end. Très bien. Et puis bon week-end à Seba, dit l'espagnol, dit le parasite, dit à l'aise, ouais. Qui passera un week-end à l'aise d'ailleurs aussi. Et Rancard, il va être à l'aise. Bon, allez, on se retrouve aussi tout le week-end sur les réseaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram. C'est sur MIKL officiel. À lundi minuit, salut tout le monde et je vous laisse avec le Hit Energy DJ Buzz. Et bah Energy 22h.